On vous a menti dès le départ, j'ai bien essayé de vous prévenir. Un virus sort de nulle part et plus personne n'a le droit de sortir. J'en ai parlé il y a quelques temps, vous m'avez traité de complotiste. Alors vous en dites quoi, bande de moutons, moi ça me rend triste. Les gens prennent conscience de leurs mensonges, ça fait longtemps que j'en parle. Depuis le début, je suis dans le bon sens, pour moi c'est le principal. T'as beau parler sur les réseaux, mais mon public le sait. Non, c'est pas moi qui suis dans le faux, je sais où je dois viser. À l'heure où je parle, c'est le gros bordel. Et les gens sont enfermés pendant qu'un virus donne des ailes à certaines lois très vite votées. On vous a promis le nouveau monde et les carottes sont bien en place. J'entends des histoires sur les ondes, débat autour de la 5G. Les gens sont censurés, croyez y'a de quoi devenir cinglé. Moi je suis pas rassuré. Il faut que les masques tombent et ce bien avant le 11 mai. Ils sont muets comme des tombes et ont la police comme armée. Dites à Macron que ses allocutions soulèvent tant de questions. Ils tournent en rond, ils donnent l'impression qu'on a touché le fond. Les gens sont hypocrites, soutiennent tous les médecins. Ça fait des années qu'ils se plaignent et attendent un coup de main. Ou à la télé vous fait passer le bon message. Big up à BFM TV, vous avez le salut des sages. Big up à tous ces médias de merde qui dans le mensonge se perdent. Big up aux politiques vendues, dis-leur qu'on les emmerde. Et les bavures, faut qu'on en parle quand tout bêtement tu perds une jambe. Normal qu'on vous compare à des voyous, monsieur l'agent. Les images parlent d'elles-mêmes, ici personne vous aime. Faudra choisir son camp le jour où ça posera problème. Roger les morts, car nos anciens se sont battus pour ça. Quel sale décor, faut rebâtir et puis changer tout ça. J'attendrai pas le déconfinement pour enfin prendre conscience. Qu'on nous la mise bien finement, je dirais pas vive la France. Parce qu'on nous cache des choses, je suis pas un porte-parole. Moi je défends juste des causes, pendant qu'ils jouent des rôles. Ça fait des mois que je vous parle de laboratoire. Moi je dis simplement ce que je vois, mais les gens croient en ce qu'ils veulent croire. Loin d'être un bon pensant, je fais pas des morceaux dansant. On reste conscient même quand leurs mains sont dans le sang. Ils sont attirés par l'argent, rien d'autre. Et utilisent la peur des gens pour mieux régner comme avant. Qui parle de république, qui parle de liberté d'expression. On nous boycotte quand ça les pique, quand on leur met la pression. Besoin d'artistes qui crachent fort, j'ai répondu présent. Pas besoin de mettre tout le monde d'accord, ça peut pas plaire tout le temps. Je me ferai pas d'amis, tant que je prendrai position. Nico t'as ton avis, moi j'ai ma propre vision. J'ai cerné ce monde et tous ses vices, et je le dirai à tous mes fils. Attention qu'on se le dise, car dans leur cœur le mal s'immisce. Me parlez pas de vaccins ou de solutions de secours. Leurs lobbies sont malsains, c'est l'Afrique qui leur sert de four. De l'Ebola au VIH, les dirigeants sont sourds. Toujours les mêmes sujets qui fâchent et les mêmes rumeurs qui courent. J'ai chanté le corona, j'ai chanté le confinement. Je fais un 2.0 car actuellement je réfléchis tant. Je fais un 2.0 car y'a beaucoup de choses qui se passent. C'est juste une mise à jour en attendant que les choses se tassent. Punk.